Voici le signal horaire du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera exactement lundi, heure normale de l'Internet. Manchette cette semaine, une agence de rencontre totalement écologique, le sondage de l'assiette qui verbomotarise, et une autre foutue chanson d'amour. Traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Le génie de l'infini et aussi votre animateur, Oli. Bonjour et bienvenue dans les podcasts numéro 5. Avec moi se trouve David. Bonjour. Et ouais. Narf. Yes. Plein d'entrain. Non, mais je veux dire, quel entrain de l'animateur aussi, tant qu'à faire? Ben, ta gueule. Je veux dire, ça fait beaucoup de contraste avec ce que je viens de dire, là, tu sais, votre animateur, Oli! Bonjour, et bienvenue, dernier matin, en tout cas. C'est ça. Ah, il fait ta job. Tu vas être content, là, tu vas pouvoir parler, parce qu'on commence avec le présent et l'avenir de la brigade. Puis, ben, c'est marqué que tu veux nous parler de Facebook, parce que la brigade a pas de vie, ça a l'air. Qu'est-ce que vous avez tout contre Facebook? Mais je suis pas. Facebook, à part de vouloir rencontrer des anciennes flammes du secondaire pour faire une partie de peste, tu sais, Facebook, ça sent pas grand chose. Mais je veux dire. Quoi? Mais moi, c'est ça ma vision de Facebook. J'avoue que j'ai toujours chialé contre Facebook, pis depuis que je suis dedans, je trouve ça. Chiale plus parce que ça paraît très mal. Je trouve ça le fun en maudit. Ben, je suis pas moi, Facebook, à part genre répondre aux invitations que les gens m'envoient, là. Mais il y a plein de choses. C'est comme le forum. Notre ancien forum, la brigade, là, ça ressemble. C'est la même affaire. Ouais, mais c'est que tu laisses des le commentaires sur les choses des autres. Tu t'en vas voir les photos que le monde a mis, pis là, là, c'est cool. C'est comme un mini-blog, personnel, dans le fond. Ouais. Mais bon, pas qu'est-ce le... que t'avais d'intéressant à nous dire là-dessus? Ben, je tiens juste à dire que, effectivement, la brigade est pas mal plus active sur Facebook depuis un certain temps. Tu sais, ça correspond sensiblement au moment où ce que j'ai embarqué sur Facebook. que j'ai trouvé ça fort. Mais je veux dire, avant, c'était Père qui s'en occupait, puis elle s'en occupait bien. C'est juste qu'elle y allait pas à tous les jours comme. Ouais, c'est juste que t'es pas maniaque comme toi, finalement. Ben, je pense que Père est maniaque de son Facebook sur son Facebook. Ouais, ben, c'est sûr, elle s'en occupait pas mal, là, ça l'a diminué, fait que là, j'ai pris la relève, et là. Là, justement, une des choses qu'on peut annoncer, c'est que je viens tout juste de créer un fantastique groupe de Facebook, ça s'appelle le groupe pour les faibles. Alors, vous pouvez chercher ça dans les groupes, vous cherchez pour les faibles, et puis c'est un groupe fondé par la brigade SNW dans lequel on dit des choses comme le hockey c'est pour les faibles. Mais c'est le fun le hockey. Le Xbox 360 c'est pour les faibles. Mais c'est le fun 360. On pourrait faire un... Twilight c'est pour les faibles. Ouais, clairement. Toilette c'est pour les faibles. Ben, fait que c'est juste ça. Cherchez dans Facebook pour joindre les amis de la brigade SNW ainsi que notre groupe pour les faibles. On a plein de stocks intéressants qui apparaissent là-dessus. Fait que... Genre, il faudrait mettre Facebook pour les faibles aussi. Oh! Je fais ça la prochaine fois que je me connecte. Ouais. Ça dirait... Tantôt! Bon, c'est tout? C'est pas mal tout. C'est tout! Et que c'est bon. Si on conclut le podcast dans même, ça va être des cœurs! Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à Facebook. Oui. Tantôt sur Facebook, Pav m'a envoyé un genre de test d'acuité visuelle. Genre pour voir si tu reconnais... C'est un test, je pense que c'est un test pour les daltoniens, mais en même temps, genre... il y avait comme des chiffres dans une petite bouboule, là, fallait dire des chiffres. Les faibles. Fait que là, j'ai fait ça, j'ai fait, ah, c'est facile, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Ça m'a pris genre 30 secondes à répondre, puis là, j'étais sûr d'avoir 100% parce que j'ai tout bien vu les chiffres. Ça me dit genre, t'as eu 81%, ou genre 8 sur 9. Fait que là, j'ai fait, ok. Là, je check. Puis la seule réponse que j'étais bien sûr que c'était ça, ben, c'était pas ça. Genre, j'ai vu un 49, puis la réponse était 5. Tu sais, 49, c'est comme 2 chiffres, 5, y'en a rien qu'un. J'ai vraiment essayé de le regarder à droite, à gauche, à l'envers, les yeux fermés, puis j'ai jamais vu le 5. Fait que je suis peut-être daltonien. Non, c'est pas ça, daltonien. Je sais pas. Daltonien, c'est des couleurs. Parce que, oui, mais c'est ça, mais c'est parce que t'avais une boule avec plein de couleurs, puis avec les chiffres d'une autre couleur. Parce que moi, les tests sur Facebook, je les fais jamais. Toutes les applications que le monde m'envoie, puis les invitations, ça, je fais jamais ça, parce que je trouve ça plate. Ben, moi, je le fais parce que je reçois un courriel qui me dit « va faire ça », puis c'est la seule chose que je fais sur Facebook, genre répondre aux emails que je reçois. Le fun, c'est d'aller voir les pages des autres, voir qu'est-ce qu'ils ont mis comme photo, les messages qu'ils ont mis, puis là, tu commandes ça, tu dis... Quelqu'un a dit une connerie, puis là, tu t'en vas te dire. Mais justement, comme, tu sais, quand je dis que le 360, c'est pour les faibles, c'est parce que j'étais allé... Il y avait quelqu'un qui disait, genre, je viens de m'acheter un 360. Fait que là, je me suis logué dans le compte de la brigade, j'étais allé mettre un commentaire sur la brigade SMW trouve que le 360, c'est pour les faibles. Puis là, elle a dit comme, oh non, je suis faible. Et tu vois, c'est ça qui est le fun sur Facebook, c'est juste de parler au monde, finalement. Bon, David, chronique. Oh, oh, quel magnifique segway! Mais non, là, vous êtes pas satisfait de mes magnifiques transitions. Magnifique. On va couper ça au couteau, tu sais, au Miracle Blade. Oh yes. Fait que, je claque. Next. David, okay. Quelle chronique? Go! La chronique. Si t'as 12 ans, ado, t'as hop, sinon mort. On mort. Ok. Bon, ben, moi, évidemment, comme d'habitude, j'avais aucune espèce de maudite idée de quoi parler. Fait que là, dans l'autobus, en venant ici, j'ai eu une idée. Ouais. Deux semaines. Ouais, fait que j'ai chié une chronique. Bon, il parle encore de presse. Mais il veut montrer sa cueillette feuille parce qu'il est le seul à en avoir j'ai préparé. Fait que là, je voulais savoir. Là, tu sais, il faut faire notre chronique à quelqu'un d'habitude, mais là, je l'avais pas à Marc, je l'avais pas à lui, je l'avais à vous. Ah, oh, oui. David, là, mais vous. C'était David, grand David. Là, je voulais savoir dans le fond, est-ce que vous êtes un peu désespéré en amour? Je veux savoir, est-ce que, tu sais, vous. C'est pas important! Vous êtes tellement désespéré. On peut arrêter de faire des attaques personnelles? Je fais pas d'attaques personnelles. Est-ce que vous êtes tellement désespéré que vous vous êtes inscrit sur un site de rencontre? Ou à place pour avoir de la visibilité, vous attachez une nouvelle voiture. Ben, moi, je me suis inscrit sur Facebook. Tu préfères la même chose. Ouais. Ben non, Naf, est-ce que t'as essayé d'inventer une manière de revenir dans le temps et de changer ton sexe pour pouvoir sortir avec toi-même dans le passé? Non, mais j'y ai déjà pensé. Oh, parce que c'est, de base, c'est exactement à toi. C'est à ce genre de personnes-là que je m'adresse. Merci. Ceux qui sont désespérés de trouver le grand amour. Donc là, je vais lire ce que j'ai écrit. Qui c'est qui était pas naturel? Ah oui, mais c'est ça. C'est parce que dans le fond, ce qu'il faut savoir en commençant, c'est que les filles ou les gars, ben, en tout cas, le sexe opposé, ça les intéresse pas les personnes qui sont désespérées. Puis ils savent que genre tous les trucs que je viens de nommer en haut, c'est juste les personnes désespérées qui font ça. Tu sais, le désespoir, c'est pour les faibles. Le désespoir, c'est pour les faibles. Fait que là, j'ai trois trucs à te proposer qui sont un peu originales. Puis qui sont pas utilisés par toutes les personnes désespérées, fait que les filles, ils spotent pas tout de suite que tu l'es. Ah! C'est comme un truc pour désespérer qui veut être subtil et pas avoir l'air désespéré. Exactement. Cool. Fait que là, si tu veux rencontrer quelqu'un, il faut que tu utilises plus souvent le transport en commun, Marc. Parce pas que... de danger, je l'utilise. Il y a des filles qui vont compter des super bonnes jokes. Hein? Ouais. C'est un gars en haut d'une tour. Ah! C'est le genre de filles-là. Ben, je prends plus la navette de ma jubée, Colin. Il y en a un qui sont en bas, puis l'autre qui sont en soulier. Ah, ça brise le bout du podcast, pour vrai. Pas mal. Mais c'est ça. Parce que, d'un, tu sais, pratico-pratique, quand tu lises son char, t'es tout seul. Ah, j'avoue. Sauf que, tu sais, c'est mieux être pogné, quand t'es dans le trafic, c'est mieux d'être pogné, genre, avec plein de monde autour de toi. Parce que là, genre, les personnes qui sont en crise, ben, ils sont en crise avec toi. Puis c'est comme de l'interactivité. Ah, c'est vrai, en toujours le fun, ça, pour cruiser. Ouais, non, mais plein de gens en crise dans un autobus. Non, mais en plus, même la configuration de l'espace de l'autobus est faite pour la rencontre. Tu sais, des banquettes 2x2. Il y a même une section, genre, 2x2, mais une en face de l'autre pour les couples amis, genre. Tu sais, tout est fait. Les bus de Montréal, il y a bien des banquettes 1x1. Ouais, mais là, ça, c'est pour les tout seuls, les petits vieux, genre, les veufs qui sont encore en deuil d'amour. Parce que, il y a aussi un autre truc, toujours dans le transport en commun, parce que c'est ça qui est important, c'est utiliser le plus souvent possible le transport en commun. D'accord. Même pour genre deux stations. D'accord. C'est de mettre un chapeau, puis toujours d'avoir quelque chose d'écrit de cool dessus. Écrit sur le chapeau. Ouais, genre l'allégradie, c'est pour les faibles. J'avais fait ça pendant un temps, puis ça a vraiment pas marché. Pour le monde, ils chialaient contre le chapeau. Mais moi, ben au moins, il y a des gens qui te parlent, ouais, c'est ça. Parce que, j'avoue que c'est pas bête. En fait, l'astuce, c'est de pas continuer à dire des phrases comme celles qui sont décrites sur ton chapeau quand tu parles à la personne qui est intéressée par toi. Genre, faut pas que tu dises « Ah ah, la ligue radie, c'est pour les faibles » quand la personne a déjà dit que ton chapeau était cool. Tu sais, tu l'écris sur ton chapeau pour attirer le regard de quelqu'un, mais faut pas t'en parles pas. Faut pas que tu restes dans ce style-là. Tu dis quoi d'autre d'abord? Ben, tu dis des conversations normales. Mais là, la personne d'habitude, elle te pose une question. Ouais, elle te pose la question. Ça veut dire quoi, la ligue radie? Pis là, si elle te pose cette question-là, là, t'es dans marde. Parce que t'es comme tagué, personne qui parle de ligue radie. Ça, c'est pas bon. Fait que y a comme, c'est un truc, mais en même temps, il y a un danger avec ça. Ok. Il est vraiment gros ton danger, je trouve. Pis là, finalement, le troisième truc que j'ai à te donner, c'est de pas mettre le bas dans tes souliers. Okay. Mais faut pas que tu mettes le sandal non plus. Parce que les sandales, c'est pas cool, mais faut pas que tu mettes le bas dans tes souliers. Pourquoi? Parce que ça augmente le coefficient de réussite de rencontre de 42%. Je te le jure, c'est très très statistique et scientifique. Ah ouais? J'aimerais savoir l'étude qui a prouvé ça. Ben là, c'est moi cet été. Je veux dire, j'avais pas de chandail puis j'avais chaud dans mes souliers, fait que je mettais pas de bas. Sauf que t'as vraiment deux fois plus de chances de rencontrer quelqu'un. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être magique un peu. Mais anyway, l'amour c'est magique, fait que j'ai pas besoin de plus d'explications que ça. Ah, j'avoue que c'est pas bête. Ouais. Fait que, pour donc, finir... pas mettre de bas dans les souliers, après ça, s'asseoir dans l'autobus sur les banquettes doubles, écrire des choses sur le chapeau, mais pas en parler, ouais, c'est prendre ça. Le métro juste pour deux stations. Ouais, mais en fait, il y a un autre avantage à ça, c'est que les trois trucs que je t'ai nommés, c'est toutes les trois choses, c'est des choses qui visent à l'écologie. T'sais, c'est tout écologique. Tu sais, prendre l'autobus ou le transport en commun, c'est bien moins polluant. Fait que tu fais moins de gaz à effet de serre, puis t'as moins de chances de tuer la personne que tu pourrais aimer. Ouais. Quand tu mets du papier sur ton chapeau, écris des choses dessus, c'est le papier sur recyclable. C'est pas comme si tu mettais, des néons. Ah. C'est moins recyclable. Puis quand tu mets pas de bas, tu fais moins de consommation. Fait que... Quoi? T'es obligé de mettre du déo sur tes pieds parce que ça pue. Ben ça. Non. Ah, ok. T'es du genre puant. Oh, tu fais une vérification. Ouais. C'est pas que je veux faire de peine, là, mais il faut. Je sais pas, c'est peut-être une. Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai comme vraiment envie d'aller recharger mon iPod. Là. Ah, ok. Mais t'as pas déjà téléchargé? Ben, tu peux pas plus vérifier s'il a fini de charger. Je vais aller checker s'il est chargé. Je vais aller le vérifier à distance, je vais aller comme le télécharger. Tu veux-tu qu'on t'attende? Non, vous pouvez continuer, ça devrait pas être trop long. Dépêche-toi, puis accroche-toi le micro. En t'en allant. Oh oui, je reviens, ce sera pas long. Bon. Oh, il est parti, c'est beau. c'est rendu à quel segment, là? Ben là, écoute, à cette heure, Ganarf est parti, on peut faire venir un invité plus intéressant que lui. J'espère que c'est pas l'assiette, parce qu'elle est vraiment plus intéressante que lui. Non. C'est pas une assiette, cette semaine, c'est la soucoupe qui verbomotorise. Bonjour, je suis la soucoupe qui verbomotorise. Je suis vraiment un verbomoteur, et quand j'ai beaucoup d'essence qui font du gaz à effet de serre, je parle beaucoup, et puis le gaz à effet de serre, on sait que c'est mal. Alors, finalement, peut-être que Narf n'était pas si flat que ça. Je peux parler parce que je suis l'assiette qui verbomotorise, et puis il me reste encore plein de gaz. Mais il verbomotorise, fait qu'il continue, puis il va avoir le bruit de verbomoteur en arrière. Dieu. Bon. Non, mais je peux arrêter des fois aussi. Fait que, mais là, assiette, là, mets-toi en stand-by, là. On va avoir une question à te poser tantôt. Non. Stand-by. Mais, avant de poser la question, on va faire un retour... Manger! Excusez! Non, on va pas manger. On va faire un retour sur la dernière question d'il y a X semaines. Quand, en tout cas, entre une et trois... Quand on en entre plein et pas beaucoup. En tout cas, la dernière fois, on avait demandé « Qu'est-ce que vous voulez pour Noël? » Évidemment, on va faire un jeu, David. Essaye de deviner qui nous a répondu. Moi? Non. Moi, si j'étais grand. Mais tu as l'autre. C'est ça! Est-ce que je peux parler? Non. Pourquoi? Parce que... C'est ça. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je vous emmerde, maison! Hey, ça va faire les inside jokes de South Park! C'est l'assiette qui sort South Park. Je m'excuse! Bon, qu'est-ce qu'on disait? Oui, David nous a répondu, il nous a dit... Est-ce que les gens sont fans de l'assiette qui parle? Non. On a 50% ou 50%. J'aimerais ça que ceux qui sont fans de l'assiette qui parlent, à go, quand je vais dire go, ils se mettent à crier, je suis l'assiette qui parle. Bon, fait que David, il nous disait que go! Pour Noël, il aimerait bien recevoir un pays en cadeau. J'espère que vous avez été hot puis que vous avez crié, que vous aimez l'assiette qui parle. Si possible, qui fait un pays qui fait partie de l'Union Européenne et avec l'euro. Tu sais, il veut pas n'importe quel pays, là, il est difficile. Fait que, sinon, il aimerait aussi recevoir un chapeau magique qui parle. Ah, tu vois, il aime pas les assiettes qui parlent, lui. Il préfère les chapeaux magiques. Ok, ben la semaine prochaine, je vais me cloner en chapeau magique qui parle. Je pense que c'est pas le principe du clonage. Donc, il veut un chapeau magique qui parle, plus précisément avec une voix moins aiguë que l'assiette qui parle. Voyons donc! Voyons donc, c'est même pas fin! On va y trouver le chapeau magique de Harry Potter. C'est le chapeau, pas le chapeau. C'est ça. Fait que, peut-être aussi un autre chapeau pour qu'il se sente pas seul quand je les laisse dans le garde-robe. C'est une bonne idée. Lâchez-moi! Est-ce que je peux me trouver une petite amie aussi? C'est pas une assiette! Ah, shit! T'es une assiette lesbienne! Non! Juste à prendre le métro. Bon! Ah, c'est correct! Ah, pis encore pour continuer dans le chapeau, parce qu'il nous a écrit ça, il nous a écrit ça en affaire du chapeau en 3 chapitres, fait que je pensais que c'était un autre sujet. Mais il veut un arc-en-ciel avec un... Non? Ça n'a pas rapport avec le chapeau! Donc... Comme autre cadeau, il veut avoir un arc-en-ciel avec un vrai pied d'or au bout. C'est une très bonne idée. Moi, je propose que on te donne l'arc-en-ciel, puis tu me donnes le pot d'or. C'est un bon deal. Fait que, finalement, il veut aussi un vrai sac du Père Noël pour pouvoir y mettre sa maison. Il y a tellement de place là-dedans que je pourrais me bâtir un château ou bien cacher la tour Eiffel. C'est vrai. C'est comme le sac de Mary Poppins. Tu sais, son sac qui arrange une patère dedans, là. Ah, oh, ouais. Mais là, c'est le sac du Père Noël, puis tu peux ranger n'importe quoi. Fait que Mary Poppins, c'est le Père Noël. Oh, wow! Ouais! J'ai fait du breakdancing. C'est bien. Je sais pas pourquoi on invite une assiette à chaque fois, fait juste comme nous nuire, puis nous mélanger. Mais non! Bon! Fait que, c'est ça. Ah, on a reçu une autre réponse aussi, mais on va la passer. On a reçu une autre réponse sur notre répondeur de brigade. Oui, oui, ça existe. On vous le rappelle. Est-ce qu'on donne le numéro de téléphone? 514-90-PIRATE. Donc, c'est ça, on va vous faire jouer l'autre message qu'on a reçu, genre, là, là. Hello, it's me, Mario. And I'm over here with the new hero, Holly. He just gave me his phone. So I could tell you a very important message. You see, he's a little bit shy, like a little baby mushroom. Oh, so Mario gonna tell you what the team really wants for Christmas. Woohoo! You hero, him want the cobalt black Nintendo DS Game System. Woohoo! Oh, and if you feeling super duper generous, him also want 3 guns. Manage! Train your brain in a miniature belly! Oh, I'm gonna be smart! Mario Kart DS! Here we go! Oh, and of course, Kirby Superstar Ultra! Oh, my little pink friend! You see, Nintendo, it's the perfect gift! So cool, so fun, so exciting! Mamma mia! It's even better than a tie that you can throw in the closet with all the others. Now, you know what to get the theme. So, why are you still listening to Mario? You get Nintendo, I'll save the princess, we're about to go to the heroes. Okie dokie, okie dokie. Let's go! Woohoo! Wow, c'est un beau message! Ouais, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, le mystérieux Holly, là, qui dit qu'il nous l'a envoyé au début. Je pense qu'on devrait lui donner tous ces cadeaux qu'il a demandé. Ouais, parce qu'on est content de recevoir des messages pour une fois. Non! Fait que, oui! Fait qu'il faudrait le remercier et lui donner plein de cadeaux. Puis merci aussi à Mario qui a transmis le message. Merci Mario! On est très touchés d'avoir été appelé personnellement merci par beaucoup. Mario Bros. La nouvelle question du sondage de la semaine, c'est quoi votre couleur préférée? Ah, c'est ça la question! Ouais! Ah! Moi, c'est blanc! C'est doux? Comme une assiette propre. Ben, comme une assiette propre. Hmm. Moi, ma couleur préférée, là, je me souviens de l'avoir vu sur un crayon feutre, genre Crayola, quand j'étais au primaire. Et c'était un crayon qui était de couleur bleue de batterie chargée. Moi, ma couleur préférée, c'est dans une toune, tu sais. Guillaume, un bicycle! Bicycle jaune! Ben, bicyclette, c'est jaune. Donc, ma couleur préférée, c'est bicyclette. Expliquer l'inside joke un petit peu. Parce que David, je l'ai comme dit à l'envers, hein. Parce que David, à un moment donné, il y avait des palettes de couleurs de chez Rona ou je sais pas où, là, tu sais, les palettes avec toutes les couleurs, avec les noms de couleurs. Puis là, il y avait une couleur qui ça s'appelait bicyclette. Puis c'était vraiment jaune, comme dans la toune qui vient de chanter de Pérus. C'est quoi le sens de l'humour? Narf, tes batteries chargées, ça avance-tu? Parce qu'on aimerait ça savoir c'est quoi ta couleur préférée à toi. Quoi? C'est quoi ta couleur préférée? La couleur des murs chez nous, c'est bruine londonienne. Je trouve ça très drôle, alors je vais dire que c'est ça ma couleur préférée. C'est okay. Genre vert-gris. T'as-tu bientôt fini, là? Ouais, j'arrive. Bruine londonienne, ça doit être laid. C'est tu laid, ça. Bon, c'est tellement intéressant que je pense que on va vous demander vos couleurs préférées à vous. Parce que... J'espère que vous avez des idées plus belles que... Allez visiter Sico pour aller voir des belles couleurs! Évidemment, pour nous envoyer vos suggestions de couleurs, téléphonez-nous au 514-90-PIRATE. Pas de E. Vous pouvez en mettre un pareil, mais ça peut ne pas fonctionner. Sauf si vous avez pas de bas dans vos souliers, ça arrive plus de chances que ça fonctionne. Ouais, ça 2%. J'aime les bonnes statistiques qui ont de l'air vraies. L'assiette, tu mets-tu des bas, toi? C'est un petit peu difficile. Bon, donc, c'est ça. Bye bye, je m'en vais me coucher. Je t'en ai. Ben, ça tombe bien, nous autres aussi. Je vois Narf qui revient, ouais, justement. Ouais, ouais. Puis, non, il avait pas fini de charger. Je l'ai encouragé pour que ça aille plus vite, mais à un moment donné, je me suis écœuré, là. Oh, c'est bien. Si moi, ça fait 1000 minutes que tu l'encourages. Ben, parce que ça t'a pris du temps de vérifier ce que t'as chargé. C'est parce que tu l'as mis sa charge, tu l'as écouté, tu l'as vidé, puis tu l'as comme mis. Non, j'étais juste à côté, je l'ai regardé charger, tu sais, là, tu vois la petite batterie qui fait comme zou, zou, puis là, j'étais là comme, let's go, t'es capable, plus vite, mais là, je me suis tanné, là. Ok. Non, bon, il y en a qui ont des vies vraiment intéressantes. Fait que là, je vais faire comme si c'était facile d'enchaîner avec ça. Puis là, je vais faire comme si j'avais enchaîné, puis David, je vais te demander, ça a l'air que t'as une toune là, que tu voulais qu'on écoute, là. Ouais, je pense que dans les manchettes, là, t'sais, l'autre, il disait que c'était une foutue toune d'amour. Ah oui, c'est une toune qui a pas de bas puis qui prend le métro? Hey, c'est vrai que c'est comme un thème, hein? Oh, c'est comme le spécial amour. On a dit qu'on t'aimait plus. T'aimer comme dans le verbe aimer, donc en amour. Ouais. Oh! Oh! Ça s'en allait là depuis le début. Je pense que le haïku va être hot. Parce que ça tombe en plus, ça sort dans le temps des fêtes, c'est l'amour. Oh, c'est encore mieux parce que le groupe dont je vais vous parler, ça s'appelle Paul Amarani et les Nouveaux Mariés. Oh, c'est Paul Amarani qui chante. Ouais, c'est Paul Amarani qui chante. C'est un groupe qui sont sortis, je pense, en... Ça fait une couple d'années. Ça fait un 6 bol de bout, puis je pense qu'ils ont jamais vraiment rien fait d'autre après. Bon, sauf que... Grave. Sauf que, quand j'en ai entendu parler à une émission de TV, et j'ai décidé d'acheter leur CD, parce que Paul Amarani est cool. Ouais, il chante pas une toune sur un chat. Mais c'est exactement de ça que je vais te parler. Ah oui? Parce que c'est... Ah, c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Oh, non, on va être content. En tout cas, ça, c'est les Nouveaux Mariés, donc il y a encore le thème de l'amour. C'est comme une toune d'amour que... pour son chat. Non, c'est genre une toune d'amour, mais vous allez l'écouter parce que je vais pas vous vendre le punch. Comment ça s'appelle? Mais c'est... Ça s'appelle plus? Je pense que ça s'appelle la migration. On va le dire à la fin de la tournée. En tout cas, puis, ben, c'est ça qu'on s'en va écouter. On écoute ça. Cachable cette tortille sous mon bec, c'est love sous mon aile. Et pourtant, c'était beau à voir, c'est bel et bien arrivé. Ne pleure pas, petit chat, je reviendrai te picorer. Quand je pense à toutes les larmes que j'ai fait couler à mon chachot, à quel point j'ai dissimulé mes plaies, quel drame chachot. J'ai juste envie de construire une machine à remonter dans le temps, comme celle dont on rêvait quand on était enfant. Le haïku de la semaine. Salut, jolie fille. As-tu vu sur mon chapeau? Hey, j'ai même pas de bas! C'était la migration, justement, de Paul Amarani, les nouveaux mariés, alors de... Bye bye. Parle-moi d'une confusion. Je suis sorti du marécage. Tu n'as pas perdu ton oiseau. Tu es arrivé comme une chatte dans un jet de roulette russe. Caché dans mon plumage chatoyant, il y avait des puces. Mon âme était prisonnière de marécage.